Naissance latente. Un noir corse lui des mouches éclatantes qui bambina autour des pointes rues. Gauvetant et grandeur, des vapeurs et des teintes lancent des glaciers fiers. Roi blanc fait son trompette, hippopre s'accrochant. Corse pâlie des mouches éclatantes qui bombina autour des pointes rouges.